sommeil alourdi, ma vision embrumée, qui ne peut plus briser l'enclume des paupières. La fatigue s'empare de mes sens harassés et jette sur mon âme des bâtons et des pierres. Ma conscience confuse s'abîme dans l'eau noire, inexorablement engloutie par la moire de l'étoffe d'ébène ornant le crépuscule. Je lutte pied à pied contre la main obscure qui couvre mes pupilles d'une robe de pure. Mais la bataille est vaine, mes forces m'abandonnent et le cœur de la nuit leur écuyer m'entonne. Ma tête choie alors dans le creux de mes bras et glisse dans les ombres qui guident mes effrois. Les maudits cauchemars, mes rêves noctambules.